On va parler des Saguenay de Chicoutimi avec notre ami, un gars de Saint-Félicien qui joue, qui est à sa première année avec les Sags, c'est Fabrice Fortin. Un peu connaître son année, l'autre jour il a marqué son premier but. Salut Fabrice! Salut! Ça va bien Fabrice? D'abord, ta première saison avec les Sags, comment tu trouves ça finalement? Ben moi j'adore ça, j'adore l'esprit d'équipe qu'on a, j'adore l'équipe, puis le niveau de jeu super à l'aise, puis j'adore vraiment ma saison jusqu'à maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à t'adapter? C'est la vitesse d'exécution, quoi? Le plus gros changement entre le Midget 3 puis les Légions du Québec? Ben personnellement, la grosseur des gars, je pense que ça ouais. Y a quand même une bonne différence. Mettons, les jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, comparé à des gars de 20 ans, tu sais, 19-20 ans, ils sont plus gros un petit peu, mais tu sais, on s'habitue vite, puis moi, ça a quand même bien été ma transition, je pense. OK. Là, tu as joué, je pense que Yannick t'a fait pas mal confiance, hein. Tu as joué sur l'avantage numérique, tu as joué sur un trio offensif, c'est ça qui est intéressant, là. Ouais, c'est super le fun, puis j'étais bien content, hein. OK. Fabrice, si on parlait un peu aussi de comment tu trouves ça en saison de COVID, jouer, c'est de pas être facile de garder la motivation et le but, hein? Ah oui, c'est un des sujets qu'on en parle dans le vestiaire aussi. On trouve ça quand même difficile, car ben, tu sais, en vrai, c'est jamais ce qui peut arriver d'une semaine à l'autre. Un cas de COVID, c'est suivi d'un test, puis un test positif dans une bulle, par exemple, puis tout arrête, là, comme la dernière qu'on a vécu. On sait jamais à quoi s'attendre, puis ça, c'est suivi d'une quarantaine aussi, donc 14 jours, dans le fond, sans marquer sur la glace. Puis la forme, elle se passe quand même vite, même si on s'entraîne en isolement avec des entraîneurs et tout. Mais en revenant, t'es tout le temps dur. Je pense que c'est ça qui est le plus dur, là. Tu sais pas quand est-ce, en vrai, tu sais pas si tu vas jouer, tu sais pas s'il va arriver un cas positif dans telle équipe. C'est souvent, on le sait pas d'avance, mais je pense qu'on a quand même réussi à s'adapter dans l'équipe et dans la ligue, en fait. Ouais. Puis, ça joue du bon hockey à chaque game quand même. Puis, c'est un hockey compétitif, puis c'est quand même la fun. Le fait de ne pas avoir joué, ben c'est sûr que dans le Midget 3, les élites, c'est quand même pas une grosse foule, mais il y a une petite foule quand même. Le fait de ne pas avoir de spectateurs, comment tu trouves ça? Ben, tu sais, en vrai, on n'a pas eu de spectateurs depuis le mois de, je pense, mars l'an passé. Donc, ça fait quand même un bout. Donc, on n'a pas revécu en tant que tel avoir des spectateurs. Fait qu'on s'est comme un peu habitué à pas en avoir, mais c'est sûr que, tu sais, je me rappelle quand j'avais été remplacé justement l'année d'avant, j'étais tout excité, là, les partisans, ben pour moi, ça me faisait quand même une différence, là, t'sais, t'as plus d'adrénaline, tu te sens regarder quand même, des choses comme ça, mais t'sais, on a commencé l'année, le camp d'entraînement sans spectateur, puis depuis, on n'a pas eu, donc, okay. Regarde, c'est quand même pareil. Là. L'adrénaline, c'est-tu quelque chose, puis les spectateurs, ça t'emmène, puis Chicoutimi, c'est une bonne foule, là. Donc ça, là, c'est une des foules les plus intimidantes, surtout l'année passée. Là. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que tu dois, dois manquer aux joueurs. Les joueurs, c'est sûr que toi, t'es pas habitué, mais les joueurs, ils en parlent-tu ou ils se sont habitués, des vétérans? Ben, on entend souvent qu'ils ont hâte de revoir des partisans parce que je me rappelle la dernière game avant que le COVID annule la saison et le GMQ l'an passé, j'avais fait le warm-up puis j'avais des frissons. Là, puis, c'est vraiment excitant, puis mais ouais, les gars, ils en parlent quand même qui ont hâte de retrouver les partisans, mais tu sais, en vrai, on sait pas quand est-ce que ça va être, donc on garde focus sur nos games sans partisans. OK. Si on parlait un peu tu sais, il y a eu un bout de temps au mois de novembre que vous saviez pas quand est-ce que vous allez jouer, ça devait être difficile aussi, là. Ce bout-là, là. Là, on sent un peu plus de Deux. Surtout, ben, dans le fond, on savait pas quand est-ce qu'on allait jouer. Puis, tu sais, mettons, 3 semaines de pratique en ligne, tu sais, des fois, ça commence à être là un petit peu. On a hâte de jouer des games. Mais, tu sais, nos entraîneurs ont quand même bien fait ça. On s'organisait des petits tournois entre équipes, des 3 contre 3, des 3 contre 4, pour garder un peu, genre, l'esprit du match, un peu. Puis, fait que, ouais, ça a quand même... C'était dur un petit peu dans ce coin-là, mais tu sais, à l'annonce de la première bulle, là, on était vraiment excités, puis en plus, ça a été un bon succès, là, pas de test positif, etc. Puis en plus, on a bien joué dans cette bulle-là, puis aussi, il a annoncé un petit peu après qu'il allait avoir d'autres bulles, fait que ça nous a quand même motivés à garder espoirer, on sait qu'on va jouer, oui. OK, OK. Ben Fabrice, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une bonne, c'est une belle fin de saison. C'est dur à suivre les Saguenay cette année, je veux te dire, en affaire. Là, c'est beaucoup plus difficile. On sait jamais quels sont les matchs. On a moins, je te dirais, on a ouais. moins d'entrée que les autres années. Mais on te suit pareil, on va te jeter un coup d'œil quand même. Merci. Fabrice Fortin, des Saguenay de Chicoutimi, natif de